بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 8 dans l'explication du sharh du Cheikh Ahmed al-Najmi du livre Al-Wajibat al-Mutahattimat al-Ma'rifa ala kulli muslimin wa muslima. Et on était en train d'expliquer Nawaqid al-Islam. Nawaqid al-Islam, c'est-à-dire les choses qui annulent l'islam d'une personne, les annulatifs de l'islam. Et on est arrivé maintenant à l'annulatif numéro 3. Al-thalith, man lam yukaffir al-mushrikin aw shakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafara. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un il refuse de déclarer kuffar les mushrikin. Il refuse de déclarer les mushrikin comme étant des kuffar. Ou il a un doute à propos du fait que ce soit des kuffar. Ou il légitimise leur religion. Il considère que leur religion ou leur voie, elle est bonne. Alors, dans ce cas-là, la personne, le musulman qui a ces problèmes-là, il devient mécréant lui-même. D'accord? C'est comme si tu dis, si un musulman dit par exemple, oh, les chrétiens c'est pas des koufars, ou les juifs c'est pas des koufars, ou les mouchriquines, les bouddhistes ou les hindous c'est pas des koufars, ou il a un doute, je doute que ce soit des koufars, je pense pas que c'est des koufars, ou bien il considère que leur religion elle est vraie, il dit oui leur religion elle est bonne, c'est une vraie religion. Alors, dans ce cas-là, il devient kafir. Pourquoi? Parce qu'il contredit ce que Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran. Et le Cheikh, il explique les preuves de ça. Il dit, « Aqul, Allahu subhanahu wa ta'ala, qad samma al-mushrikina kuffaran fi ghayri aya, ou fi ghayri ma aya. فمن ذلك قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ففي هذه الآية جمع الله أهل الكتاب والمشركين وبين أنهم كفار وأن مأواهم جهنم. وقال في المشركين على انفرادهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال عن اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرة وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال عن النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى غير ذلك من الآيات. فمن لم يكفر هؤلاء الكافرين فإنه يكون قد كفر بخبر الله عز وجل عنهم أنهم كافرون ولذلك فإنه يعتبر كافرا من أجل ذلك. Donc ici le Cheikh il explique que Allah Azza wa Jal a déclaré mécréant les mushrikin et il les a appelés des kuffars dans plusieurs versets dans le Coran. Et il cite comme exemple verset 6 dans Surat Al-Bayyinah, dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ceux qui ont mécru parmi les gens du livre et les mushrikin, ils sont dans le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Ceux-là sont les pires de la création. Et il cite également le fait qu'il dit ici, Allah Azza wa Jal dans le verset, il a réuni entre les gens du livre et les mushrikines en disant qu'ils sont des kuffars et que leur destination est l'enfer. Et il a mentionné de façon spécifique à propos des mushrikines en général qu'ils sont des kuffars dans le verset 7 dans Surat At-Taghabun. Ceux qui ont mécru pensent qu'ils ne seront pas ressuscités. Dit, certes, par mon Seigneur, vous allez certes être ressuscité et on va vous informer de ce que vous avez œuvré. Et cela est facile pour Allah. Et il a dit à propos des juifs, dans le verset 160 et 161, dans Sourate An-Nisa, donc il mentionne certaines caractéristiques des juifs. Il dit, c'est à cause des iniquités, hein, de l'injustice des juifs, que nous leur avons rendu illicites les bonnes nourritures qui leur étaient licites à la base. Ainsi, à cause de... Et aussi à cause qu'ils obstruent le sentier d'Allah et à eux-mêmes et à beaucoup de monde. Et parce qu'ils prennent les intérêts, le riba, qui leur était pourtant interdit, et parce qu'ils mangent illégalement les biens des gens. Et après il dit, c'est à ceux d'entre eux qui sont mécréants, qui sont kafiroun, nous avons préparé un châtiment douloureux. D'accord? Et donc le cheikh, il explique, il dit, ainsi que beaucoup d'autres versets. Donc celui qui ne déclare pas mécréants les koufars, les mouchriquins, les juifs et les chrétiens, alors à ce moment-là, il contredit ce que Allah Azza wa Jal a mentionné à leur sujet, puisqu'il a mentionné qu'ils sont des koufars. Et donc, s'il ne les considère pas koufars, il est kafir lui-même. Il y a deux choses que j'aimerais clarifier ici à propos de ces choses-là. Deux choses importantes à clarifier. Premièrement, quand on dit que ces gens-là sont des koufars, c'est par rapport au fait que par exemple, les juifs, hein, al-Yahoud, c'est des koufars. Quand on dit que ce sont des koufars, on parle de ceux qui sont présents après la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui n'ont pas cru en lui. D'accord? Et qui n'ont pas cru en le Coran. Et qui n'ont pas cru en Isa. Et qui n'ont pas cru en Al-Injil. Donc les juifs qui n'ont pas cru en ça, ils sont des koufars. Toutefois, les juifs qui sont venus avant Isa, avant Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont cru en Moussa et en les prophètes, et qui ont suivi la religion telle que Allah l'a révélée, sans renier rien et sans changer la religion, eux, ce sont des musulmans. Ce sont des musulmans. Et les chrétiens, la même chose. Ceux qui ont suivi, avant la venue de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont suivi Isa, alayhi salam, et qui n'ont pas déformé son message, et qui n'ont pas cru en la Trinité, qui ont cru en Allah unique, qui n'ont pas dit que Jésus est Dieu ou fils de Dieu. Hein? Ils ont suivi la religion telle que Jésus ou Isa alayhi salam l'a enseigné à l'origine. Ceux-là sont des musulmans. Et ce ne sont pas des koufars. Mais ceux qui viennent après qui étaient vivants après la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui ont entendu parler de l'islam et qui ont su qu'il y a le Coran et qu'il y a le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais qui ont refusé de croire en lui et qui ont refusé de le suivre, alors ceux-là sont pas croyants, sont des koufars. D'accord? Ça, c'est la première chose. Le deuxième point que j'aimerais clarifier à ce sujet-là, c'est que ce naqid, ou cet annulatif de l'islam, ça s'applique à propos des gens dont le kufr, il est clair et explicite et connu dans les textes de la révélation. C'est-à-dire que il y a des takfiriyins, parmi les takfiriyins de notre époque, les khawarij, ils utilisent cette règle, ou bien ce naqid, pour essayer de faire le takfir de tous les musulmans. Dans le sens qu'ils vont dire, par exemple, eux, les khawarij, vont faire le takfir d'un dirigeant, parmi les dirigeants musulmans. Et ils le déclarent kafir. Après, ils viennent voir les gens et ils lui posent la question, hein, comme ils vont te voir, ils vont te croiser, là, ils vont te poser la question. Qu'est-ce que tu dis sur tel dirigeant dans tel pays musulman? Est-ce qu'il est musulman ou non? Alors là, si tu lui dis oui, il est musulman, lui dit, ah, toi, t'es kafir, parce que tu n'as pas déclaré mécréant le mécréant. Hein? Alors que cette règle-là, ça s'applique pas pour des musulmans, ça s'applique pour des koufars. D'accord? Dans le sens que, yani, c'est pas des gens dont le kufr a été prouvé et établi, et dont la preuve a été appliqué sur eux, et que leur coffre est clair et connu et explicite et visible. C'est pas la même catégorie. Donc d'appliquer cette règle là sur des gens comme ça en général, il y a des khawarij à notre époque, ils ont fait le takfir des populations d'un pays tout entier en se basant sur cette règle là sans la comprendre. Hein? Ils l'ont donc appliqué hors de son contexte. Ce qui fait qu'ils ont fait le takfir des dirigeants. Après, ils ont fait le takfir de l'armée. Parce qu'ils ont dit l'armée l'obéit aux dirigeants. Donc, s'ils étaient musulmans, ils ne devraient pas lui obéir. Donc, ils sont des koufars. Après, ils ont fait le takfir des policiers. Hein? Puis après, ils ont fait le takfir de la population. Parce qu'ils ont dit si la population ne se rebelle pas contre le dirigeant, ils ne sont pas musulmans. Alors, ils ont décidé que toute la population était koufar et ils ont par la suite même fait le takfir des ulamas de l'islam. Parce qu'ils ont dit, ah, les ulamas, ils font pas le takfir des dirigeants. Donc, c'est des koufars aussi. Alors, ils ont commencé à essayer à tuer toute la population, à massacrer les gens. Et c'est des exemples de ça qu'on a vu dans beaucoup de pays, comme en Algérie et dans d'autres pays également. D'accord? Donc ça, c'est une compréhension erronée et déformée de la réalité de ce principe. Parce que nous, on parle des koufars dont le kufr est clair et mentionné clairement dans le Coran, et non pas des ijtihads de certaines personnes qui ont fait des jugements sans preuve et sans fondement pour faire le takfir des individus sans même avoir de science, et sans même respecter des principes, et à cause de ça, on voit le résultat de leur injustice. Allahul Musta'an. Donc ça, c'était deux points que je voulais clarifier. Et j'ai écrit un petit texte, basé sur des écrits des ulama, pour réfuter ceux parmi les ikhwan, et d'autres également, qui refusent de déclarer mécréants les juifs et les chrétiens. Parce qu'on a entendu de la part de certains prêcheurs parmi les ikhwan, comme Youssef al-Qardawi et d'autres, qui refusent de dire que les juifs et les chrétiens sont des koufars. Et même que lorsque le pape Jean-Paul II était mort, Qardawi avait fait des prières pour lui, puis il avait commencé à faire des éloges du pape, en disant qu'il était sincère dans qu'est-ce qu'il a fait pour propager sa religion, et ainsi de suite. Et c'est enregistré, même en vidéo, Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est des paroles très, très, très graves. Oui, c'est du kouf majeur. Ça, c'est du kouf majeur. Donc, c'est très grave. Non, mais si la personne est ignorante, dans le sens que personne ne lui a jamais enseigné l'islam, là, elle est excusée de cette mécréance-là. Mais si on a établi la preuve par la suite, un savant a expliqué à cette personne avec les preuves et lui clarifie les choses, puis qu'elle persiste à continuer à dire ça, alors là, oui, elle sera mécréante. Parce que beaucoup de musulmans sont, malheureusement, ils n'ont pas étudié la aqidah, et c'est ça le résultat. C'est pour ça qu'on voit tellement d'ignorance et d'égarement parmi les musulmans. Et comme je disais, j'ai écrit un texte, il est sur mon site. C'est la réponse à ceux qui prétendent que les juifs et les chrétiens ne sont pas des koufars. Et ils ont ramené quelques choubouhats. Il y a beaucoup de choubouhats à ce sujet-là. Et j'ai ramené les explications et les réponses à ces choubouhats-là. Oui, c'est en français. C'est en français. Hein, pardon? Oui, il y en a qui, comme tu dis, il y en a qui disent que ce sont nos frères, et c'est grave. Donc, il faut vraiment faire attention à ça pour éviter de tomber dans ça. Cheikh Ibn Uthaymeen, il avait écrit un texte à l'époque pour répondre à ces choses-là. Oui, c'est ça. C'est la réponse à ceux qui nient que les gens du livre sont des koufars. Donc, ça, c'est le texte que j'avais écrit là-dessus. Et j'avais répondu en 4 points. Le premier point, c'était que les prophètes sont musulmans et non pas juifs ni chrétiens. Et donc, ils sont innocents des gens qui prétendent les suivre aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que même les juifs et les chrétiens qui prétendent aujourd'hui suivre Moïse ou suivre Jésus, eh bien, les prophètes sont innocents de ces gens-là. Et ils n'ont rien à voir avec les prophètes. Parce qu'ils contredisent leurs enseignements. Et il dit de même que les gens qui ont réellement suivi leurs prophètes à leur époque, avant la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sont des musulmans. Donc les prophètes sont musulmans parce qu'ils sont soumis à Allah, ils suivaient l'islam. Et en même temps aussi, les gens qui ont suivi ces prophètes-là de façon fidèle et honnête et correcte, ces gens-là sont des musulmans, sont ni juifs ni chrétiens. Et c'est pour ça que Allah il dit à propos d'Abraham, « Ma kana Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima. » D'accord? Si tu regardes dans la Bible, même dans la Bible aujourd'hui qui existe chez les juifs et les chrétiens, il n'y a nulle part où il est écrit que la religion c'est le judaïsme ou que la religion c'est le christianisme. C'est écrit nul. Même le terme christianisme, il n'existe même pas dans la Bible. C'est les chrétiens qui ont inventé ce nom-là, ça n'existait même pas. Même qu'ils disent que le mot christianisme, c'est les gens qui appelaient c'est les non-croyants qui ont appelé ceux qui croyaient en Jésus, ils les ont appelés Christos. Hein, Christ, ils les ont appelés des chrétiens comme ça. Supposément, Christ, ça vient du mot Messie. Hein? Ça veut dire ceux qui croyaient en le Messie. Ok, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, il existe plusieurs preuves de la mécréance des Juifs et des chrétiens dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça, on en a mentionné quelques versets à ce sujet-là. Il y en a beaucoup d'autres. Troisième point, il y a une différence entre un non-musulman. Il y en a qui disent qu'il y a une différence entre un non-musulman et un kafir. Et c'est pour ça qu'il y a des musulmans, ils refusent que tu dises les koufars. Ils disent, dis pas les koufars, dis les non-musulmans. Alors qu'un non-musulman, c'est un kafir. Et un kafir, c'est un non-musulman. Il n'y a pas de différence entre les deux. Et il y en a qui disent, non, le kafir, c'est celui qui a connu l'islam puis qui l'a renié. Tandis que le non-musulman, c'est celui qui ne connaît pas l'islam puis qui ne croit pas en l'islam. Mais cette distinction-là, elle n'est pas basée sur aucune preuve. Parce que même les ignorants sont considérés des koufars du moment qu'ils ne sont pas musulmans. Et le fait qu'ils soient ennemis de l'islam ou opposés à l'islam, ou qu'ils ne soient pas ennemis de l'islam, comme par exemple la différence entre Abu Lahab et Abu Talib. Abu Lahab, qui était un mushrik, kafir, mais qui opposait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Talib, qui était un mushrik kafir, mais qui défendait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les deux sont des koufars mushrikines. Les deux, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que Abu Talib, il défendait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne le défendait pas parce qu'il croyait que c'était le messager d'Allah. Il le défendait uniquement parce que c'était son neveu, à cause des liens de parenté, c'est tout. Donc ça ne fait pas de lui un croyant. Et le quatrième point, c'est ça. Expliquer, j'avais mentionné le fait que, yani, quand tu t'adresses à des non-musulmans, tu ne vas pas leur dire « Oh, toi, le kafir hein? !» Parce que tu veux les appeler à se convertir ou à accepter l'islam. Donc, tu ne vas pas les adresser de cette manière. Mais lorsque tu es en train d'expliquer la religion à des musulmans et que tu mentionnes ce que Allah il dit dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ben, tu vas utiliser les termes que Allah a mentionnés. Donc, Allah il s'adresse aux croyants en disant les kuffars et les mushrikines. Donc, quand tu expliques la religion aux musulmans, tu leur expliques tel que Allah l'a expliqué. Tu ne vas pas changer le langage pour yani, soi-disant parce que un tel ou un tel n'aime pas qu'on l'appelle kafir. Parce qu'il y a des koufars qui disent « Pourquoi vous dites qu'on est des koufars ?» Dites pas qu'on est des koufars. Pourquoi ? Dans le sens que si vous êtes vous croyez pas en l'islam, qu'est-ce que ça peut vous déranger qu'on vous appelle des koufars puisque vous croyez même pas en l'islam ? Hein ? Vous voulez qu'on vous appelle quoi ? Des musulmans ? Soit vous êtes des musulmans, soit vous êtes des koufars. En tout cas, ils disent non, c'est pas gentil de dire ça. Mais c'est la réalité. Kafir, ça, c'est pas une insulte. Dans le sens que c'est pas comme si tu dis à quelqu'un comme une injure ou un mauvais mot. Ça décrit l'état de la personne qui renie la vérité. Donc c'est comme si c'est quelqu'un qui rejette la vérité. Donc on l'appelle tel quel. Kafir, c'est ça que ça veut dire. C'est pas comme si on est en train de traiter quelqu'un de mauvais mots ou des choses comme ça. Même si pour certains, c'est devenu comme ça. Ben, le terme infidèle, le terme infidèle, c'est ça que ça voulait dire à l'époque. Aujourd'hui, parce que peut-être que dans la langue française ancienne, ça avait une autre signification. Mais les gens d'aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un infidèle, c'est comme si c'est le contraire du mot fidèle. Hein? Puis la fidélité, ça reflète pas réellement le vrai sens aujourd'hui de qu'est-ce que ça pouvait refléter à l'époque. Bon, j'ai pas fait de recherche étymologique ou de la définition du terme pour qu'est-ce que ça signifie ou pourquoi ils disent fidèle ou infidèle. Mais c'est clair que aujourd'hui on dit plutôt mécréant ou bien. Moi, je préfère utiliser même les termes arabes directement pour que ce soit encore plus clair. On enlève toutes les ambiguïtés parce que mécréant, même en français, c'est pas toujours clair la signification, tu vois. Donc, c'est ça. Donc, pour ce qui est du fait que l'islam, c'est la religion d'Allah, il y a plusieurs preuves. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit « Inna ad-dina inda Allah l'islam ». Ali Imran, verset 19. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Le verset 85 dans surat Ali Imran. « Wa man yabtaghi ghayra l'islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin ». Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Ces versets-là sont clairs hein, sur le fait que la religion d'Allah, c'est l'islam. Le verset 5 dans Surat Al-Ma'ida, « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam adina. » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et le verset 4 dans le verset 125 dans Sourate Al-An'am. Et puis quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait à monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Et il y a toutes les histoires des prophètes que Allah a mentionnées et on voit qu'ils disent « Mon salaire n'incombe qu'à Allah, il m'a été commandé d'être du nombre des musulmans. » Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était un hanif musulman. Il n'était point du nombre des mouchriquins. Allah Azza wa Jalla dit, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, et c'est lui qui vous a élu, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, c'est celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Également, dans Surat Al-Imran, le verset 65, aux gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Et beaucoup d'autres versets comme ça qui clarifient ce point-là. Et en tout cas, aussi le fait que Allah Azza wa Jal, il déclare que toute personne qui commet le shirk, il est parmi les mécréants. Et celui qui refuse de croire en un d'entre ses messagers, il est mécréant. Donc, il dit dans le verset 150-151, dans Surat An-Nisa, ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, et disent, nous croyons en certains d'entre eux, mais ne croyons pas en d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire entre la foi et la mécréance, voilà les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment avilissant. Donc, celui qui refuse de croire en Jésus ou en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas croyants, même s'ils prétendent suivre un prophète. Et également, le fait que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 48, dans Surat An-Nisa, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, hein, qu'on lui donne des associés dans l'adoration, mais à part du shirk, il pardonne à qui il veut tout autre péché moindre. Hein. Et quiconque commet le shirk avec Allah, hein, donc ça veut dire qu'il offre des partenaires à Allah dans l'adoration, il commet un énorme péché. Donc ça, c'est yani, la preuve que celui qui fait le shirk, ses œuvres sont vaines. Et les chrétiens, c'est clair qu'ils font du shirk. Et les juifs également. Aussi, Allah Azza wa Jal, il mentionne à propos des juifs et des chrétiens, combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Et Allah, il dit dans le Coran, certes, sont mécréants ceux qui disent Allah, c'est le fils de Marie, le Messie, fils de Marie. Et il dit, ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois. Donc, à trois reprises, Allah, il mentionne dans les versets, dans Surat Al-Ma'idah et dans le verset 17 et le verset 72 et 73. Hein? Ce sont des mécréants, ceux qui disent, donc c'est les juifs et les chrétiens. Les juifs disent, Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est le fils d'Allah. Hein? Uzair, un des prophètes. Et, yani, les juifs, ils disent, Allah, il dit dans le verset 64 dans Surat Al-Ma'idah, les juifs disent, la main d'Allah est fermée. Hein? Que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Le verset 98-99 dans Surat Al-Imran, dit aux gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites? Il y en a beaucoup de versets comme ça. Et il y en a qui utilisent des versets pour essayer de faire croire que les juifs et les chrétiens ne sont pas kuffars. Et parmi ces versets-là, par exemple, le verset dans Surat Al-Baqarah, le verset 62, certes ceux qui ont cru, les musulmans, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens, les sabéens, et quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier a accompli des bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur, et il n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Il y a aussi le verset 69 dans Surat al-Tawbah, ceux qui ont cru, hein, les musulmans, ceux qui se sont judaïsés, les sabéens, les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah et au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres, pas de crainte sur eux et ils ne seront point affligés. Et il y a aussi le verset dans Surat al-Imran, le verset 113 à 116. Lorsque Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et ils ne sont pas tous pareils. Il est parmi les gens du livre une communauté droite qui, aux heures de la nuit, récite les versets d'Allah en se prosternant. Ils croient en Allah et au jour dernier, ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable et concourent aux bonnes œuvres. Ceux-là sont parmi les gens de bien et quelque bien qu'ils fassent, il ne leur sera pas dénié, car Allah connaît les pieux. Quant à ceux qui ne croient pas, ni leurs biens ni leurs enfants ne pourront jamais leur servir contre la punition d'Allah. Ce sont les gens du feu, ils y demeureront éternellement. » Et aussi le verset 82 à 86 dans Surat al-Ma'ida, tu trouveras certainement que les juifs et les mouchriquins sont les pires ennemis, hein, les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». C'est parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines qui ne s'enflent pas d'orgueil et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager Mohammed, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité et ils disent « Ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. Pourquoi ne croirions-nous pas en Allah et en ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer en la compagnie des gens vertueux? » Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Hein? Et le verset aussi 199 dans Surat al-Imran, il y a certes parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on fait et en ce qu'on a fait descendre vers vous et en ce qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah, ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès d'Allah. Hein, leur Seigneur, en vérité, il est prompt à faire les comptes. Et aussi, le verset 159 dans Surat al-Imran, parmi le peuple de Moïse, il est une communauté qui guide les autres avec la vérité et qui, par là, exerce la justice. Et le verset 6 dans Surat al-Bayyinah, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre. Donc il y en a qui ont dit par exemple, puisque Allah Azza wa Jal, il dit, ceux qui ont mécru parmi les gens du livre, hein, min ahl al-kitab, donc ça veut dire que parmi les gens du livre, il y en a aussi qui ont cru. Hein, parce que s'il y a ceux qui ont mécru, il y a aussi ceux qui ont cru. Et il dit aussi dans le verset 110 dans Surat al-Imran, si les gens du livre croyaient, ce serait meilleur pour eux. Il y en a qui ont la foi, mais la plupart d'entre eux sont des pervers. Et aussi le verset 26 dans Surat al-Hadid, nous avons effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à leur descendance la prophétie et le livre. Certains d'entre eux furent bien guidés, tandis que beaucoup d'entre eux furent pervers. Donc ça, c'est les versets que certains citent. Et ils essaient de faire croire, à partir de ces versets-là, que les Juifs et les chrétiens sont des croyants. Et les ulama ont répondu à ça de différentes façons. Donc les savants de tafsir, ils réfutent ces choses-là. Et l'imam al-Tabari, l'imam al-Qurtubi, Ibn Kathir et d'autres également clarifient ces choses. Et aussi, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Jawab al-Sahih, l'imam Baddal al-Din al-Masih, dans le volume 2 de l'édition 6, du volume 6, pardon, des pages 201 à 213, il parle de ces versets-là, puis il explique la signification. Et il explique que ces versets ont été expliqués de trois façons par les savants de tafsir. La première explication, c'est que ces versets concernent les gens du livre. comme An-Najashi, le roi de l'Éthiopie à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait cru en l'islam, mais qui n'était pas capable de faire la hijra ni d'appliquer les principes de l'islam ouvertement. Donc l'imam Ibn Taymiyyah, il les compare aux croyants de la famille de Pharaon, qui cachaient sa foi, et dont l'histoire est racontée dans Surat Ghafir dans les versets 28 à 46. Et il dit donc que parmi les gens du livre, il y en a qui croient secrètement en l'islam et qui ne peuvent pas montrer ouvertement leur foi, hein, à cause des contraintes de leur famille, etc. Ils sont donc des croyants, mais puisqu'ils ne peuvent, ils ne sont pas ouvertement musulmans, ils les classent parmi les gens du livre. Cela est rapporté selon un groupe parmi les savants de tafsir, selon Jabir ibn Abdullah et Ibn Abbas, Anas et Qatada, et qu'ils ont dit que ce verset est révélé au sujet de An-Najashi, le roi de l'Éthiopie. Donc ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que ces versets sont révélés au sujet de ceux qui ont suivi correctement la religion de Isa et de Moussa avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans commettre de kufr ou de shirk et sans croire en la Trinité ou que Jésus est le fils d'Allah, etc. Et ceci est rapporté selon Mujahid, Ibn Jurayh et Ibn Zayd. Et la troisième explication, c'est que ces versets parlent des musulmans qui se sont convertis à l'islam et qui ont quitté le judaïsme ou le christianisme. Mais Ibn Taymiyyah préfère la première explication. Et il réfute cette troisième explication en disant que les juifs et les chrétiens étaient convertis, hein, s'ils étaient convertis à l'islam parmi les sahaba, on ne disait pas à leur sujet qu'ils étaient des gens du livre. On disait qu'ils étaient des musulmans, comme Abdullah ibn Salam et Salman al-Farisi, par exemple, et d'autres. Et voici donc la réponse au sujet de ces versets, hein, que certains égarés utilisent pour semer des confusions et des doutes. Donc ça, c'est pour clarifier les choubouhats. Hein, si vous entendez des ikhwan qui essaient de défendre cette idée, j'ai voulu aller un peu plus en détail pour clarifier cette chose-là, parce que y a des gens, parfois, quand ils entendent ces versets-là, ils comprennent pas comment répondre à ça, tu vois. Donc là, maintenant, vous avez entendu la réponse, et donc ça devrait être plus clair pour vous et plus facile à clarifier aussi. Ok, maintenant le point numéro 4. Parmi les nawaqid, les annulatifs de l'islam, le point numéro 4, c'est le suivant. Rabi' man i'taqada anna hadi ghayr an-nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadihi ou anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. ومن مقتضيات الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان بأن هديه أكمل هدي وأن حكمه أحسن حكم. قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الاستفهام في هذه الآية استفهام إنكاري معناه أنه لا أحد أحسن حكما من حكم الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مستهل خطبته التي كان يبدأ بها وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان خير الهدي هدي صلوات الله وسلامه عليه, فمن لم يعتقد ذلك بل اعتقد أن هدي غيره أحسن من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه, فإنه حينئذ قد كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه يعتبرون كفارا من أجل ذلك. Donc on va traduire ça. Le cheikh, il explique que Le quatrième annulatif, c'est le fait de croire qu'il y a une guidance qui existe, qui est meilleure que la guidance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il y a un jugement ou une loi qui est meilleure que son jugement. Comme ceux qui donnent préférence au jugement des Tawarites au sujet des jugements, ils préfèrent les lois ou les jugements des Tawarites au jugement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce cas-là, il est kafir. Et il dit, parmi les implications de la foi en le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a le fait de croire que sa guidance est la plus complète et la plus parfaite et la meilleure, et que son jugement est le meilleur jugement. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 50 dans Surat Al-Ma'idah, et qui est meilleur en jugement pour un peuple et qui est meilleur en jugement que Allah pour un peuple qui est convaincu? Qui est meilleur en jugement que Allah? Qui est meilleur en jugement que Allah pour un peuple qui est convaincu? Il dit, le cheikh, que cette question, c'est une question qui, en même temps, est une négation. C'est-à-dire, personne n'est meilleur que Allah en jugement. Et donc, c'est en même temps la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait son discours, il débutait toujours en disant, wa ahsanul hadi wa khayrul hadi hadi Muhammad, la meilleure guidance est la guidance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est rapporté selon Jabir par l'imam Muslim. Donc si sa guidance est la meilleure sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un croit que, ou bien plutôt, si quelqu'un ne croit pas que sa guidance est la meilleure, ou croit que la guidance de quelqu'un d'autre est meilleure que la sienne, ou que le jugement de quelqu'un d'autre est meilleur que son jugement, alors à ce moment-là, il devient mécréant, il devient kafir. Attends, on n'a pas fini. Donc, à ce moment-là, il devient mécréant en ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a amené. Et donc, il dit ça, c'est comparable à ceux également qui préfèrent les lois, des lois des Tawarites sur le jugement ou sur les lois du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, à ce moment-là, ces gens-là sont considérés kuffar à cause de ça. Sont considérés mécréants à cause de ça. Donc, le Tawarit, on a déjà expliqué que c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ou une personne qui est adorée en dehors d'Allah et qui est satisfaite de ça. Ou une personne qui appelle les gens à l'adorer. Ou une personne qui prétend connaître l'invisible. Et c'est le shaitan et les idoles, tout ça on l'appelle tarout. Le pluriel c'est tawarit. Et donc le cheikh il dit ensuite, « وَيَدْخُلُ فِي الْقِسْمِ الرَّابِعِ مَنْ اَعْتَقَدَ أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو الحادي والعشرين أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين أو أنه يحصر في علاقة المرء بين ربه أو يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة الأخرى ويدخل في الرابع أيضا من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الإسلام في المعاملات أو الحدود أو غيرهما وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير ما أنزل الله والحكم بغير شريعة الله فهو كافر بإجماع المسلمين. Donc ça c'est un sujet. Le cheikh il a rajouté, c'est cheikh Ben Baz, il a rajouté des points à ce sujet-là. Il a dit, on peut inclure dans ce quatrième annulatif de l'islam quiconque croit que les systèmes et les lois qui sont inventés par les hommes, que ce soit inventé par des Arabes ou par des Européens ou par des Chinois, peu importe leur origine, s'ils ont inventé des lois qui sont contraires à l'islam et que quelqu'un croit que ces lois-là sont meilleures que la charia de l'islam ou un système comme le communisme, le socialisme, la laïcité ou la démocratie ou n'importe quel autre système, il croit que ça c'est meilleur que la charia de l'islam ou que le système de l'islam n'est pas applicable au XXe siècle ou au XXIe siècle, et que la charia est la cause du retard des musulmans, ou qui croit que l'application de l'islam, ça doit se limiter seulement dans les questions de la relation entre l'individu et son Seigneur, sans que ça touche aux aspects des autres aspects de la vie, comme la politique, l'économie, le commerce et les autres aspects de la vie. Donc ça, c'est comme un peu comme les laïcs qui demandent de séparer la vie et la religion. Donc ça fait partie des annulatifs aussi, ceux qui croient en ça. Et il dit, et également, on peut inclure dans le quatrième annulatif le fait de considérer que d'appliquer les jugements de la charia, de couper la main du voleur ou de lapider la personne qui a fait l'adultère, ne correspond pas à l'époque actuelle et ne convient pas à notre époque. Ça rentre là-dedans. Ou celui aussi qui dit, ou toute personne qui croit que il est permis de juger par autre que la charia d'Allah dans les questions des interactions ou des punitions ou des peines ou autre chose comme l'économie, la politique ou autre. Même si la personne elle ne croit pas que c'est meilleur que le jugement d'Allah, mais si elle croit que c'est permis, ça veut dire qu'elle rend halal ce que Allah a interdit. Et celui qui rend halal ce que Allah a interdit, alors que c'est une chose qui est connue par nécessité de la religion, comme l'adultère, l'alcool, le riba, et le fait de juger par autre que la charia d'Allah, et il rend ça halal, alors ça c'est un kufr. Et donc j'espère que vous avez déjà compris, d'après tout ce que vous avez déjà étudié de l'islam et de la charia, que de croire que tuer est halal, c'est pire que de tuer. Ou de croire que le zina est halal, c'est pire que de faire le zina. Ou de croire que de voler est halal, c'est pire que de voler. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça. La raison pourquoi c'est pire, c'est parce que la personne qui croit que ces choses-là sont halal, il contredit ce que Allah Azza wa Jal a révélé et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ordonné. Tandis que celui qui commet le péché, tout en reconnaissant que c'est interdit, il a désobéi à Allah, il a fait un péché. Toutefois, sa croyance, elle est toujours restée intacte. Dans le sens qu'il sait que ça, voler c'est haram, même s'il a volé. Mais il reconnaît que de voler c'est haram, donc il peut se repentir. Mais celui qui dit c'est halal de voler, mais il contredit ce que Allah a révélé, donc c'est comme s'il reniait l'ordre d'Allah et la révélation. Et s'il croit que c'est halal, comment il va se repentir? Il ne va pas se repentir parce qu'il dit que c'est halal. De là vient le danger de la bid'a aussi. Parce que la bid'a, ça ouvre la porte justement à légiférer ce que Allah n'a pas légiféré. Et c'est pour cette raison-là que c'est dangereux, parce que ça rentre dans le fait de légiférer dans l'adoration. Donc, ça c'est extrêmement grave et extrêmement important. Toutefois, il y a un point qui est important de clarifier par rapport à cette question. Parce qu'à notre époque, ce sujet-là en particulier, du quatrième naqid, c'est le cheval de Troie des Khawarij. C'est-à-dire que les Khawarij ont utilisé ce point-là en particulier pour justifier le takfir des musulmans. Et pour justifier aussi la rébellion contre les dirigeants, et pour justifier les attentats terroristes et tout ce qui a été fait à notre époque et dans le passé contre les dirigeants. Et donc c'est très très important de comprendre comme il faut ce sujet-là. Et les ulama, ils clarifient ce sujet-là en disant qu'il y a quatre situations dans lesquelles une personne peut être par rapport au jugement d'Allah et à la loi d'Allah. Et donc, essayez de bien écouter et de bien conceptualiser dans votre esprit ce que je vais vous expliquer maintenant. Si vous voulez comprendre. Tiens, il y a un stylo là. Tiens, prends cette feuille. OK. La première possibilité sur les quatre, c'est que la personne, elle croit que la loi des hommes est meilleure que la loi d'Allah. Le verdict à propos de celui-là, il est kafir, il est mécréant. Donc les koufars, maintenant en France par exemple, en France, le gouvernement des Français, il demande aux musulmans de croire que les lois de la République sont au-dessus de la charia d'Allah. Ça c'est du koufre, koufre majeur. Un musulman n'a pas le droit de croire en ça. Il ne peut pas croire qu'une loi faite par des êtres humains peut être meilleure que la loi du Créateur. C'est impossible. Si un musulman déclare ça, il ne peut pas être croyant. Il ne peut pas être considéré musulman. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, il croit que la loi des hommes, elle est égale avec la loi d'Allah. Elle n'est pas supérieure, mais elle est égale. C'est pareil. Ça ou l'autre. Le verdict, à propos de celui-là, il est kafir. Il est sorti de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il met la loi des hommes à égalité avec la loi d'Allah. Et ça, c'est kufr. Tu ne peux pas mettre rien à propos que les hommes peuvent faire à égalité avec ce qui vient d'Allah. Le troisième cas, c'est quelqu'un, il ne dit pas que la loi des hommes, elle est au-dessus ou meilleure, et il ne dit pas qu'elle est égale non plus. Sauf qu'il dit que c'est halal, c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah. Il le rend halal. Il rend halal ce qui est haram. Donc il rend permis de juger par la loi des hommes. Pas qu'il le connaisse, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire qu'il le connaisse en détail, mais juste que la personne, elle prétend que c'est la même, que c'est égal ou que c'est la même chose. Et en même temps, c'est un mensonge s'il considère que c'est la même, que c'est égal. C'est un mensonge, parce qu'elles ne sont pas égales. Elles ne pourraient jamais être égales. Celui qui dit ça, ça veut dire soit que c'est un ignorant, ou soit il ne connaît pas la charia, il n'a jamais étudié la charia. Parce que la plupart des gens qui disent ce genre de propos n'ont jamais étudié la charia. Parce que s'ils avaient étudié la charia, ils savent que la charia, elle s'applique à toutes les époques. elle est complète. Et donc, la troisième catégorie, qu'est-ce qu'on a dit? C'est celui qui dit que c'est halal, que c'est permis de juger par les lois des hommes. Le verdict, c'est que cette personne, elle est kafir. Le troisième, il ne dit pas que c'est égal. Il ne dit pas que c'est meilleur ou que c'est égal. Mais il dit que c'est halal, c'est permis. C'est-à-dire que si tu le fais, ce n'est pas un péché, ce n'est pas grave. Ça, c'est kufr aussi. Celui qui dit ça, il a renié la foi. Parce qu'il rend halal ce qui est haram. Parce que ça implique quoi? De dire que c'est halal de juger par autre que la loi d'Allah, ça implique que tu vas rendre halal ce qui est haram. Tu vas rendre l'alcool halal, tu vas rendre le zina halal, tu vas rendre le porc halal, tu vas rendre le meurtre halal, tu vas rendre la drogue halal. Et tout ce que tu désires, tu vas rendre halal le shirk, le kofr, l'idolâtrie. Et tout ce qui est contraire à l'islam, tu dis c'est halal. Donc ça c'est du kofr. Même de juger par autre que la loi d'Allah, c'est halal. Ça veut dire tout ce qui est écrit dans le Coran et dans la sunna, c'est halal de le contredire. Ça c'est kofr. C'est de la mécréance. Il y a une autre catégorie, cette catégorie-là, c'est cette catégorie qui est très importante. Et que beaucoup de takfiri ou de khawarij à notre époque, ils ne considèrent pas. Mais c'est la différence entre les gens de la sunna et les khawarij. Et cette catégorie, c'est celui qui dit que la loi d'Allah, elle est supérieure à la loi des hommes, hein, elle n'est pas la loi des hommes, elle n'est pas supérieure, elle n'est pas égale, elle n'est pas licite. Juger par autre que la loi d'Allah, c'est haram, c'est un péché, c'est interdit. Et la personne, elle reconnaît ça, sauf que elle va juger par autre que la loi d'Allah à cause d'une passion ou à cause d'une faiblesse de la foi. Ou pour de l'argent, ou pour de la dunya. Alors, à ce moment-là, cette personne, elle n'est pas mécréante. Elle est considérée comme un pécheur. Et on dit de cette personne qu'elle est croyante, mais la foi, elle est faible. Et les savants, ils expriment ça souvent en disant que c'est un kufr duna kufr. Kufrun asrar. C'est une mécréance mineure. Ou c'est un péché, c'est une mécréance qui est moindre que la mécréance qui fait sortir de l'islam. Donc c'est un kufr mineur, une mécréance mineure. Ça ne fait pas sortir de l'islam tant que tu reconnais que de juger par autre que la loi d'Allah, c'est un péché et que c'est contraire à l'islam. Bon, ça c'est pas exactement la même chose parce que la prière c'est un ordre. Tandis que nous, on parle en principe souvent des interdictions par rapport à ce principe-là. Mais il y a les ulama, c'est vrai, en grande majorité, ils ne font pas le takfir de celui qui reconnaît l'obligation de la salat, mais qui la néglige. Mais si, par exemple, tu vois un musulman boire de l'alcool, hein, ça m'est déjà arrivé une fois, je marchais sur Côte-des-Neiges, je suis passé devant une terrasse. J'ai vu quelqu'un que j'ai vu déjà à la mosquée qui était avec une bière. Je lui ai dit, mon frère, tu sais que ça c'est haram? Il m'a dit, oui, je le sais. Il m'a dit, astaghfirullah. Ça veut dire qu'il reconnaît que l'alcool, elle est haram. Il n'a pas dit que c'est halal. Donc, à ce moment-là, yani, il commet un péché, mais tu ne peux pas dire que la personne... Elle ne croit pas en l'interdiction. Parce qu'elle a confirmé que ça, c'est haram. Donc, c'est un pécheur. D'accord? Mais les khawarij, eux, ils disent non. Même s'il dit que c'est haram, il est kafir parce que l'acte de faire le péché, c'est une négation de la foi en soi. Et c'est là qu'ils ont dévié. D'accord? Parce que si tu vois quelqu'un en train de faire le péché, il y a deux possibilités, ou même trois, dans certains cas, ou peut-être plus, ça dépend de la situation, mais en général, il y a deux situations. soit que la personne qui est en train de boire l'alcool, soit qu'elle croit que c'est haram ou soit qu'elle croit que c'est halal. Mais juste par l'action de boire l'alcool, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'elle croit dans son cœur. Tu comprends? Donc, tu ne peux pas te baser sur son geste ou sur l'acte pour déclarer que la personne est croyante ou mécréante. La base, c'est qu'elle est croyante. Si elle est musulmane, tu la connais, elle est comme étant musulmane. Donc, à la base, elle est musulmane. Jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, si tu demandes à la personne, « Mon frère, pourquoi tu bois de l'alcool? Est-ce que tu ne sais pas que c'est haram? » Si elle te dit, « Oui, c'est haram », alors à ce moment-là, tu as la confirmation que cette personne-là, c'est une personne qui est croyante. D'accord? Parce qu'elle a confirmé avec sa bouche que c'est interdit. Maintenant, tu vas dire, c'est un pécheur. Le musulman dont la foi est faible. Et il suit sa passion. Toutefois, il n'est pas mécréant. Mais si tu lui dis, mon frère, ça c'est haram, il dit, laisse-moi tranquille, ça c'est pas haram, il n'y a pas de haram, il n'y a pas de rien, tout est halal. Hein? Là, tu vois que c'est une personne, soit il est saoul, ou bien soit il est fou, ou soit il est mécréant. Hein? Donc ça, c'est important. Si la personne était ivre, est-ce qu'on va prendre en considération ce qu'elle dit? Non, parce qu'elle est ivre. Mais si elle n'est pas ivre et qu'elle dit ça, elle dit non, c'est pas haram, il n'y a rien de haram, je fais ce que je veux, c'est pas haram de boire de l'alcool, et tu lui mentionnes le verset et qu'elle renie ça quand même, alors là c'est pas un croyant. D'accord? Et donc, celui qui dit de juger par autre que la loi d'Allah, c'est halal, ça c'est pire, parce que ce n'est pas un péché qui l'a rendu halal, c'est tous les péchés, sans exception. Parce qu'il considère que tu peux juger par autre que la loi d'Allah et que c'est permis. Donc, ça veut dire que ça ouvre la porte à rendre licite tout ce qui est haram au complet, sans exception. D'accord? Et ceux qui disent, comme toi tu disais, que comme certaines personnes qui prétendent que la charia elle s'applique pas à notre époque, c'est parce que ça c'est des gens qui n'ont pas étudié la charia. D'accord? Donc quand tu vois par exemple des gens qui vont dans des universités dans les pays de Kufr ou bien même dans des pays musulmans et qui étudient dans des domaines différents. Ils étudient peut-être en mathématiques ou en chimie ou en physique. Ou bien ils vont étudier en histoire ou en philosophie ou des choses comme ça. Après, ils se mettent à commencer à vouloir critiquer la charia ou parler de la charia. Alors qu'ils n'ont jamais fait d'études islamiques. Ils n'ont jamais étudié la charia d'Allah. Et ils pensent qu'ils comprennent ou qu'ils savent quelque chose à propos de la charia. Ça, c'est parce qu'en réalité, ces gens-là, ils ne connaissent rien. Ils n'ont pas étudié le Coran, ni la Sunna, ni le Tafsir, ni Usul al-Fiqh, ni le Qawa'id al-Fiqhiyya. Ils ne connaissent rien de ces principes-là. Ils ne connaissent rien à propos de Al-Qadha. Ils ne connaissent rien à propos du Fiqh. Ils ne connaissent rien du tout à propos de l'Islam. Alors, s'ils osent parler de ces choses-là sans connaître, c'est la preuve que, justement, c'est des gens qui sont injustes. Parce que n'importe quelle personne qui se respecte, elle ne va pas critiquer quelque chose si elle ne le connaît pas. Ouais, y a des gens comme ça, là, comme certains égarés en France là, qui ont osé même dire ce genre de propos. Il y en a un, j'ai oublié son nom, là. Bajrafil et d'autres comme de cette catégorie, comme Tariq Ramadan, qui prétendent que l'Occident ou les pays européens ou la France, ils appliquent mieux la charia que les pays musulmans. Il y a aussi Kuisen qui dit ce genre de choses. Et ça, c'est des personnes qui délirent complètement dans leurs propos. Ça veut dire que c'est des gens qui ne connaissent pas, soit ils ne connaissent pas la charia, ou soit ils ne connaissent pas la réalité qu'est-ce qu'ils voient dans les pays occidentaux, ou bien ils ne connaissent pas les deux, ou bien ils sont fous, ils n'ont pas une compréhension claire de la réalité des choses. Parce que quand tu regardes, par exemple, l'enseignement de la charia, il y en a même certains qui ont essayé de mentionner comme référence les objectifs de la charia, qu'est-ce qu'on appelle al-maqasid al-shara'iyya. Eh bien, al-maqasid al-shara'iyya, quand tu vois, par exemple, comment Allah Azza wa Jal, il a fait par la charia pour protéger la raison, premièrement la foi, parce que la première chose à protéger ou à préserver, c'est la foi. Ensuite, la raison. Bon, je ne les dis pas en ordre nécessairement, mais c'est les cinq grands objectifs de la charia. Le premier, c'est de préserver la foi. Le deuxième, c'est de préserver la raison. Le troisième, c'est de préserver les biens. Le quatrième, c'est de préserver l'honneur. Et le cinquième, c'est de préserver... de préserver la vie. Préserver la vie. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est les cinq choses, OK, que la charia est venue protéger. D'accord? Donc, quand tu regardes la première, la plus importante que les ulama, ils mentionnent, ils disent la première chose que la charia est venue protéger, c'est la foi. Et que eux, ils disent, oui, ça c'est vrai, regardez en Occident, la laïcité, elle protège la liberté de croyance et de pratique de tout le monde. Est-ce que c'est ça la signification de la protection ou la défense de la foi? Si tu prends le sens de la laïcité qui dit que tout le monde a le droit de pratiquer sa religion, qu'il faut défendre la liberté de croyance, ça implique la liberté d'adorer des idoles, de croire ou de ne pas croire, hein? C'est-à-dire tu vas croire en rien, tu vas être athée, ou bien tu vas croire en n'importe quelle divinité, une idole ou une statue, ou d'adorer la lune ou le soleil, ou même d'adorer le shaitan, hein? Les satanistes. Ils ont la liberté de culte dans les pays de Kufr. Donc ça, est-ce que c'est ça la défense de la foi que la charia défend? Cette idée de laïcité que tout le monde peut croire en qu'est-ce qu'il veut? Ça, c'est en opposition même avec justement ce maqsad, ce premier objectif de la charia. C'est cette laïcité-là, elle le détruit complètement. Et tu vas remarquer que dans la charia, chacun des objectifs a été protégé par des règles et par des peines aussi. Par exemple, la défense de la foi ou la protection de la foi, elle a été protégée par la peine de l'apostasie. Hein? Pour celui qui cherche à jouer avec les fondements de la croyance, hein? La ridda, c'est-à-dire celui qui renie la foi après avoir cru. Hein? Dans l'islam, il y a la peine de mort pour ça. Alors, ça veut dire que quelqu'un ne va pas commencer à jouer avec la religion. Hein? Et il y a aussi des punitions et des peines pour celui qui propage des bid'ah, des hérésies. Hein? De l'emprisonnement à d'autres punitions qui existent dans la charia pour ça. Est-ce que c'est ça que l'Occident il fait? Non. Au contraire, l'Occident il ouvre la porte au coffre, au shirk. Et c'est comme si pour dire, laissons toutes les religions se combattre les unes entre elles et faire en sorte qu'aucune d'entre elles a le dessus sur l'autre, pour que les gens soient dans la confusion et dans l'égarement. Et le résultat, c'est que il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux pour eux. L'adoration d'Allah n'est pas plus vraie que l'adoration d'une vache ou dans l'adoration d'une idole ou d'une statue. Donc pour eux, le vrai et le faux est équivalent. Il n'y a pas de privilège ou il n'y a pas de mérite d'être bon sur le fait de suivre la vérité ou de suivre le mensonge. Les deux, c'est la même chose. Yannis, ça nous fait revenir justement à l'importance de juger selon la loi d'Allah et de comprendre que déjà, ce premier objectif de la charia, l'Occident, il ne l'a jamais respecté. Au contraire, il l'oppose sur tous les plans et il n'applique pas les règles islamiques pour le protéger, pour protéger la foi. Donc, ils n'appliquent pas la charia. Pour protéger l'honneur, l'islam a interdit le zina, l'adultère, la fornication. Et l'islam également a interdit le nudisme et l'exhibition et le fait de marcher une femme qui marche dans la rue en montrant les formes de son corps ou bien les parties de son corps. Elle doit se couvrir, elle doit se voiler. Tout ça, c'est pour protéger l'honneur. Et pour celui qui fait l'adultère, il y a la lapidation. Pour celui qui fait la fornication, il y a la flagellation et l'emprisonnement. Donc, il y a des protections pour l'honneur. Celui qui accuse une personne d'avoir fait l'adultère sans avoir des témoins, il va être flagellé. Si, par exemple, une personne commet la sodomie, il va être également puni pour ça. Il y a une peine pour la sodomie. L'homosexualité, ce que les gens appellent l'homosexualité ici, c'est interdit. Ça, c'est pour protéger l'honneur et la dignité des hommes. Eux, ils le permettent. Est-ce que c'est comme ça que tu vas dire qu'ils appliquent la charia en Occident? Ou est-ce qu'elle est la charia en Europe? C'est ça pour eux, la charia? La protection de la raison. L'islam a protégé la raison de l'homme et son intellect. Et c'est pour ça que Allah il a interdit l'alcool. Allah a interdit l'utilisation des drogues pour être certain que l'être humain il garde toujours sa raison et son intellect intact pour être capable de faire des bons jugements et de prendre des bonnes décisions et de contrôler ses impulsions, ses impulsions et ses désirs pour pas qu'il dépasse la limite. Et si il boit de l'alcool ou on le trouve en train d'être ivre ou qu'il fait l'ivrogne ou qu'il est drogué, il y a des peines pour ça. Et pour le trafic de drogue aussi, même il y a la peine de mort pour le trafic de drogue. Donc il y a des règles, il y a des peines pour ces choses-là. Est-ce que tu vois que les koufars ils appliquent ça? Non. Ils permettent l'alcool, ils permettent la cigarette, ils permettent les drogues. Ouais, non, c'est ça, c'est comme ça qu'ils se contredisent. Ils permettent le poison, puis après, ils disent le poison est dangereux. Ouais. Ils te donnent le paquet de cigarettes, puis sur le paquet de cigarettes, ils disent attention, ça peut te tuer. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, l'islam, elle interdit ces choses-là. Malgré que dans les pays musulmans, l'implémentation l'interdiction de la cigarette, elle n'est vraiment pas appliquée de façon stricte. Oui, il y en a qui disent ça, mais en réalité, elle est haram clairement. Parce que ces effets néfastes sont confirmés par la médecine et par beaucoup d'éléments. Tandis qu'au début, lorsque les gens ont dit que c'est makruh, les ulama, ils ont dit que c'était makruh au début à cause de l'odeur. Parce que la seule chose qu'ils savaient comme effet néfaste de la cigarette, c'était que ça sentait mauvais. Et ils ne savaient pas encore les effets néfastes sur le plan médical. Mais une fois que les preuves médicales sont apparues sur les effets néfastes de la cigarette, alors les ulama ont été clairs sur le fait que c'est quelque chose qui est haram, clairement haram. Malgré qu'il y en a des égarés là, à notre époque, comme Al-Qardawi et d'autres, qui ont essayé de dire que non, c'est haram juste pour les pauvres. Les riches, ils ont le droit de fumer parce que, ouais, ils ont les moyens. Mais les pauvres, non. Donc ça, c'est des fatwas un peu bizarres comme ça. Je n'ai pas donné d'exemple sur tout, mais je voulais mentionner les plus importants pour clarifier que, yani, l'Occident, ils n'appliquent pas la charia. Ils n'ont jamais appliqué la charia. Et ceux qui veulent les détails là-dessus, là, il y a des livres qui sont écrits sur ce sujet, les al-maqasid, en arabe. Apprenez l'arabe. Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Vous voulez qu'on vous donne tout cru dans le bec? Hein? Il faut faire les efforts pour apprendre l'arabe aussi. Hein? On ne peut pas tout traduire de toute façon. Sinon, on va oublier le Coran, on va oublier l'arabe. Donc, il faut faire des efforts pour apprendre l'arabe. Pas tout attendre qu'on traduise tout. On traduit les choses de base qui sont essentielles pour que les musulmans puissent connaître l'islam s'ils connaissent pas l'arabe. Mais le reste, il faut vraiment que les musulmans fassent des efforts pour apprendre l'arabe pour être capable d'approfondir leur connaissance de la religion. D'accord? سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته